Votre journal, Marie Bourguignon, bonjour. Bonjour à tous. L'enquête sur le meurtre du policier et de sa compagne tuée dans les Yvelines en France hier progresse rapidement. On apprend que le tueur Larossi Abala avait prêté allégeance à Daesh il y a 3 semaines. Son acte a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. L'homme qui a agi hier avait pour objectif de tuer d'autres cibles. Écoutez la déclaration de François Molins, le procureur de la République de Paris. Pour la petite histoire, j'ai fait la nuit hier. On a pu constater qu'il n'y avait qu'un seul gardien présent, une gardienne, qui a pris son service à 23h30. Donc tout le personnel policier qui est contactable, rappelable, quotidiennement, la nuit, a été rappelé. Alors jusque-là, pas trop de problèmes, sauf que j'ai remarqué que l'après-midi, tous les gardiens étaient présents et qu'il m'a été revenu, et c'est une information qui a été vérifiée, que 19 gardiens étaient présents le dimanche. Alors il faut savoir que le dimanche, on obtient des primes. À partir du moment où on choisit le jour où on veut faire grève, tout simplement parce que ce jour-là, ça nous intéresse, parce qu'il y a un match de football. Une vidéo dans laquelle il aurait déclaré... Pardon, il y a un petit problème ici, on vient d'entendre un son qui n'était pas le bon. Je poursuis donc ce journal. En cas de nouveau débordement, la Russie sera disqualifiée de l'Euro. C'est la décision prise par l'UEFA ce mardi suite aux bagarres qui ont eu lieu entre supporters le week-end dernier. L'équipe nationale russe a également été condamnée à payer une amende de 150 000 euros. La Fédération russe de football a annoncé qu'elle allait respecter les sanctions de l'UEFA, des sanctions qu'elle juge néanmoins excessives. L'information risque de déplaire à certains clients du groupe. Le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité, Lempiris, qui se disait vert et belge, est racheté par le géant pétrolier Total. Un rachat pour un montant oscillant entre 150 et 200 millions d'euros. Via cette acquisition, Total se lance sur le marché de la vente du gaz et d'électricité aux particuliers. L'ambition du géant pétrolier est d'utiliser Lempiris comme un tremplin pour développer cette même activité dans les pays limitrophes. Certains gardiens de prison sont-ils en train de faire grève à la carte? C'est ce que pensent certains policiers. Le syndicat libre de la fonction publique, syndicat des policiers donc, soupçonne certains agents pénitentiaires d'être en grève. Par exemple, quand il y a des matchs de foot, Dimitri Lecomte, délégué SLFP Police, était de garde à la prison de Tournai lors du match de foot d'hier soir. Pour la petite histoire, j'ai fait la nuit hier. On a constaté qu'il n'y avait qu'un seul gardien présent, une gardienne, qui a pris son service à 23h30. Donc tout le personnel policier qui est contactable, rappelable, quotidiennement, la nuit, a été rappelé. Alors jusque-là, pas trop de problèmes, sauf que j'ai remarqué que l'après-midi, tous les gardiens étaient présents et qu'il m'a été revenu, et c'est une information qui a été vérifiée, que 19 gardiens étaient présents le dimanche. Alors il faut savoir que le dimanche, on obtient des primes. À partir du moment où on choisit le jour où on veut faire grève, tout simplement parce que ce jour-là, ça nous intéresse, parce qu'il y a un match de football, ou ça ne nous intéresse pas parce que ce jour-là, on obtient des primes, là, ça devient inacceptable. Des propos recueillis par Florence Dussard à la prison de Mons. Le personnel doit se prononcer dans l'après-midi sur la reprise ou non du travail. À la prison d'Arlon, le travail reprendra lundi prochain. C'est ce qu'ont décidé les agents pénitentiaires grévistes lors d'une assemblée générale. La grève, je vous le rappelle, a été entamée il y a 7 semaines déjà. L'enquête donc sur le meurtre de policier et de sa compagne tuée dans les Yvelines en France progresse, je vous le disais, en début de journal. Et je vous propose d'entendre donc la déclaration de François Molins, le procureur de la République de Paris. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. Ont aussi été saisis 3 téléphones, 3 couteaux et en particulier un couteau ensanglanté posé sur la table. Dans son véhicule qui était garé à proximité du pavillon, a notamment été découvert un Coran, une djellaba blanche, 2 livres intitulés « La croyance authentique » et « L'explication des 3 fondements ». Vous savez qu'un certain nombre de revendications sont intervenues de la part de ce terroriste. Larossi Abala a ainsi, via un compte Facebook, pu publier à 20h52 une vidéo de revendication de 12 minutes qu'il a pu envoyer à plus d'une centaine de contacts. Et notons que 3 personnes de l'entourage du tueur sont en garde à vue. 16h passées de presque 5 minutes, merci de nous écouter. Toute l'info est sur rtbf.be. Et la suite, c'est presque sérieux avec vous, Walid et votre équipe. Effectivement, Marie, retour de l'information tout à l'heure avec vous à 16h30. D'ici là, nous sommes presque sérieux. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. L'information qui se cache derrière cet extrait de Sheila, la voiture. Un concert de Sheila Chou. Non. C'est vrai que Sheila Chou sera gringo. Vous imaginez le truc si on fait rentrer Milkay en ligne de défense? Pas mal, non? En bon. Short, ouais. Bon, ah. Il y a l'image. Pendant que... là, on a l'image. Un peu pour sa susceptibilité. C'est deux petits vieux en France, ils aiment bien les grenouilles, ils ont fait une main, mais ça gueule tout. Alors les voisins, un voisin, c'est toujours un voisin. Ça commence toujours comme ça. C'est toujours le même, en fait. Ouais. C'est le même, oui. Il se déplace. On va demander à Vincent Flibustier, c'est un beau dégueulasse. Eh bien, c'est Franck Ribéry qui fait des efforts de conjugaison et voulait parler de son nouveau contrat de bail. Il paye beaucoup trop de charges, donc c'est un beau dégueulasse. C'est dit. Et si quelqu'un ressort encore une fois cette formule qu'il retourne dans son pays, qu'il fasse un procès à Raon, l'arrière-petit-fils de Lucie, qui a inventé l'immigration. Ouais, le hic, c'est que c'est aussi notre ancêtre à nous. Ramadan, dont sont d'ailleurs dispensés les joueurs de football, qui ne pratiquent donc pas le jeûne. Ribéry lui pratiquait la jeûne, la trop jeune même, selon la justice, mais ça c'est une autre histoire. Autriche-Hongrie, hein, celui-là, on est sûr que Jean-Marie Le Pen va le suivre d'un œil. D'un œil. Ouais. Fantasio se marie pour le Spirou ou le meilleur? Spirou le meilleur. Spirou le meilleur. Souvenez-vous du choc qu'on avait vu dans cette série télé, là où il fumait, il buvait du whisky, le nom m'échappe évidemment. Dynastie. Oui. Est-ce qu'un mariage gay est féminin? C'est un mariage. C'est déjà un mariage. On dit pas une mariage. Non. Non, c'est un mariage. On dit une fête. Oui. Et un divorce. Mais une noce. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Nom de Dieu. Bon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don de sang. Alors, pour rester dans la même veine, on pourrait faire une analyse à jeun, tiens, du match d'hier sous l'angle de l'hémoglobine. On doit bien reconnaître que, globulement, justement, les blancs étaient meilleurs que les rouges hier soir. Des rouges qui nous ont fait perdre notre sang-froid devant l'écran plasma et dire que... Marc Wilmots, aïe, c'était un bon entraîneur. On parle de lui au passé, maintenant c'est fini. Marc, dont on se demande d'ailleurs s'il maîtrise vraiment le vaisseau hein, depuis sa prise de ponction. Marc qui doit souffrir de sceptique sémillée. Oui, si je me faisais l'avocat des diables, et bien je vous dirais que samedi, ce sera l'avancée ou l'AVC. L'embellie ou l'embolie. Oui. Nom de Dieu. En attendant, avec leur humour, ils sont les anticorps contre le défaitisme. Ce sont vos chroniqueurs du jour. Avec elle, ça va saigner. Daphné Dulaurier, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. C'est son prénom plus que son nom qui traduit le fait qu'il a du sang bleu azzurri dans les veines, c'est Sergio Onore. Nom de Dieu. On a parfois l'obligé à opérer quelques pontages dans sa chronique, mais c'est pour son bien, c'est Corentin Candy. Bonjour. Walid, bonjour tout le monde. C'est le Mozart du faux sang blanc, Vincent Flibustier. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Là-dessus, il a fait du boudin toute la nuit. Oh, nom de Dieu. Raoul Reyer, c'est avec nous. Bonjour Raoul. Mais bonjour Walid, ça va? Ça va, bah écoutez. Drôle de journée aujourd'hui. Ah, oui, j'essaie de vendre mon maillot sur eBay, mais il n'y a personne qui en veut. Entre attentat et résultat des diables. Ah, et je me suis fait engueuler parce que les pronostics du poulpe étaient mauvais. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi qui n'ai jamais regardé un match de ma vie. Ah ben voilà. Faut un début à tout. Tiens, lui, c'est notre cathéter à la préparation. Clément Delpauve, niveau transfusion du son, il assure. C'est Laurent Nélissen à la réalisation. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rions. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour. Presque sérieux. C'est presque sérieux. La première. Nom de Dieu. Il faut quand même dire que Raoul, notre poulpe, avait dit 2-2, donc il avait à moitié raison. Oui, ouais, c'est vrai. Soyons positifs. Oui, mais moi je croyais que c'était pour les autres. Bon, on parlera du massacre d'Orlando, on parlera d'un match de foot fédéral belge et Elio Di Rupo qui reste le capitaine du navire. C'est au programme de cette heure et demie presque sérieuse et nous vous offrons également des cadeaux avec une phrase extraite d'un quotidien pour le qui a dit du jour. Vous viendrez bien participer avec nous dans la joie et dans la bonne humeur. Nous vous ferons des propositions, une phrase. Et quelle phrase? Aujourd'hui, qui aurait pu prononcer « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux » Alors qui Qui aurait pu dire ça? Eh bien, ce sera à vous de le déterminer. Dans un instant, vous envoyez CPS avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. 75 centimes le message à gagner pour vous. 4 entrées pour le PASS, ce musée original dans le Hainaut qui invite d'ailleurs à comprendre les sciences et les technologies en s'amusant avec des dizaines d'animations, de la détente et des découvertes. 4 entrées pour le PASS. C'est à vous si vous envoyez donc ces 3 lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. L'équipe a lu l'actualité du jour? Bien sûr. Oui. Vous êtes resté sur le foot, rien que le foot. C'est quoi encore le foot, rappelez-moi? Eh bien, passons la une du jour. C'est la une. L'info en chanson du jour, 2 extraits musicaux, tendez l'oreille. Voilà, c'est fini. C'est un peu abrupt. Hein. Alors, les Soulos avec Lichan des Wallons et Calypso Rose avec Rum and Coca-Cola. C'est avec les Soulos que nous entamons cette émission. Les Soulos, Lichan des Wallons. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, les Wallons ont encore pas fait quelque chose que les Flamands font. Ah, ah ça c'est presque. Ils ont c'est fait mieux que les Wallons. Non, ils font mieux, mais est-ce que c'est positif, Raoul? Ah. Je ne sais pas, mais moi je fais partie de ces gens qui ont fait quelque chose et qui est allé faire monter les sondages en Flandre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc Raoul Reyers... ce sont les Wallons qui habitent en Flandre. Ils donnent leur sang. Les Wallons donnent leur sang beaucoup plus que les Flamands. Alors on peut le découvrir dans le sang, mais il n'est pas question de sang, malheureusement. Mais on parle effectivement on des le taux d'alcool. Le taux d'alcool dans le sang, non, ce n'est pas ça. Consommation de drogue. Non. Les Wallons sont plus touchés que les Flamands, mais de quoi s'agit-il? Pollution. Ils ont plus de mitochondries. Non, ce n'est pas ça. Par les taxes. Par les taxes non plus. Dans le sang. Dans le sang. C'est dans le sang. Ah, ils ont ça dans le sang. Non, ils ont ça dans le sang, oui. Mais plus. Mais plus, mais qu'est-ce qu'on pense? C'est une maladie, c'est quelque chose de pas très chouette. C'est une maladie pas très chouette. Un Raoul. Oh, le diabète. Pas, vous dites? Le diabète. Eh ouais. Le gras de type 2. Les Wallons sont nettement plus touchés par le diabète que les Flamands. Eh ouais, c'est ce qu'on apprend sur base de chiffres énoncés par la ministre de la Santé publiés aujourd'hui, Maggie de Bloch. De 2006 à 2013, le nombre de personnes soignées pour un problème de diabète a augmenté de 25% dans notre pays. En Wallonie, on compte ainsi 72 patients pour 1000 habitants contre 53 en Flandre et 52 à Bruxelles. C'est pire encore au niveau des provinces, avec un pic atteint dans celle de Liège. 86 pour 1000. La deuxième marche du podium est occupée par le Hainaut, 71, qui devance de peu le Luxembourg, 69 pour 1000. Même le Namurois arrive quatrième avec 64 pour 1000. Voilà, ils parviennent encore à devancer la première province flamande, la Flandre occidentale, avec 60 pour 1000. C'est énorme. Tout est facile à comprendre là-dedans. Hein. Ouais, ça veut juste dire que les Wallons vont plus se faire soigner que les Flamands, tout simplement. Quoi, la dioxine donne plus le diabète que ça? Ils sont diabétiques, quoi. Autrefois, justement, en Grèce, vous savez comment on voyait si quelqu'un avait le diabète? S'il y avait des abeilles, je n'ose même pas imaginer. Alors, comment? On le faisait uriner sur quelque chose? Non, c'est presque ça. On le faisait déféquer sur quelque chose? Non, on le faisait uriner, oui, mais... On goûtait son urine. Oui, c'est vrai. Les médecins, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Les médecins, c'est parfois obligé de goûter l'urine de leur patient pour s'assurer de leur santé. Bah, oui, simplement, si c'était sucré. Si c'est sucré. Alors, c'est qu'ils souffraient de diabète sucré. Voilà, c'était pas un thé à la menthe. Voilà. Deuxième extra, deuxième info, écoutez. Calypso Rose, Rum and Coca-Cola. De quelle info s'agit-il? Ça concerne le rhum ou ça concerne le Coca-Cola? Ça concerne le Coca-Cola. Les prix n'ont pas varié en 70 ans. C'est pas en Belgique. Non, ce n'est pas en Belgique. Si vous voulez que je vous aide, c'est en Suède que ça se passe. Ils l'ont interdit? Non. Il est toujours en vente de la même manière? Non, la justice suédoise a interdit quelque chose par rapport au Coca-Cola. Mais le saumon dans les écoles? Non. Est-ce que c'est dans le contenu de la boisson ou plutôt dans tout ce qu'il y a autour? Je sais. Dites-nous. Le Coca-Cola montable chez Ikea? Non, mais on n'était pas très loin d'affiner. La publicité pour le Coca-Cola? Alors, il y a une pub en particulier, la justice suédoise qui a interdit lundi à Coca-Cola un slogan. Et ce slogan, c'est sucré à partir de sources naturelles. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Elle a révélé que la fameuse boisson gazeuse, elle était grâce à des produits transformé chimiquement, donc c'était pas juste du sucre naturel. Mais la poison gazeuse. Alors effectivement, et c'est pas tout, parce que je suis tombé en faisant des recherches un peu sur Coca et cette entreprise, grande multinationale interplanétaire. Quelle époque Coca-Cola avait lancé Dasani. Alors Dasani, c'est une marque d'eau plate en bouteille qui a été lancée au début des années 2000 au Royaume-Uni. Alors la marque y a connu de nombreux déboires, à votre avis, pourquoi? Parce que c'était de l'eau du robinet dont on avait extrait tout ce qu'il y avait dedans. C'est effectivement ça. Ils vendaient de l'eau du robinet, en fait. Trois fois le prix. Génie. Donc, c'est génie. Aussi, oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est encore ce que font les restaurants aujourd'hui. C'est vrai. Vous savez, dans les jolies bouteilles où il n'y a pas de marque, en fait, c'est l'eau du robinet gazéifiée ou purifiée. Et en Inde, outre l'utilité qu'on connaît... En Inde, il y a tout sauf de l'eau. Alors, on connaît... Qu'est-ce que les Indiens font avec le coca ou le Pepsi? Ils nettoient leur véhicule. Non, c'est pas ça. Leurs dents? Non, c'est pas leurs dents. Oui, c'est ça. Ils l'utilisent d'une manière ça sert à dissoudre des corps? Non, pas dissoudre, non. Ils le dégazéifient? Non. Pensez agriculture. Ils l'utilisent comme un engrais, pesticide. Pesticide par des agriculteurs en Inde, car elle coûte moins cher et fonctionne aussi bien. C'est un peu comme si on buvait du Roundup. Écoutez, une loi n'est pas prête de passer pour l'interdire en tout cas. Bon, à 16h16, on va revenir dans l'actualité. Plongeons dans le massacre d'Orlando. Ce sera au menu de ces presque sérieux avec Daphné Dulaurier. Puis je vous invite à continuer à vous inscrire pour le qui a dit du jour. Nous jouons ensemble dans moins de 20 minutes maintenant. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À vous de le déterminer d'après les propositions que nous vous ferons dans un instant. Vous vous inscrivez en envoyant donc ces trois lettres. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et comme promis, le massacre d'Orlando, c'est tout de suite sur la première. Be proud of you because you can be do what we want to do. Do what we want to do. Do. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Dis de force. Oui, Lemons. J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui. L'andalouse préférée des cocoteurs. La voilà. De force Lemons. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze, ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Voir Thibaut plonger sur un grand écran? Chez Vandenborg, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborg. La première, Mobile Info. 16h17, bonjour Pierre Collard-Bovy. Bonjour Walid, bonjour à toutes et tous. Alors, pas trop déçu de la défaite d'hier? Oh, bah écoutez, ce n'est qu'un match de football tout d'abord. C'est vrai, vous avez raison. Secret. Bon, allez. On aurait pu imaginer mieux. Oui, mais non. Moi, je dis oui, mais non. Voilà, c'est ça. À part ça, que se passait sur la route, Pierre? Eh bien, toujours ce problème sur le 42 Namur-Mons, où se sont passés deux accidents coup sur coup. Le premier à Gosti, le deuxième aux environs de Fleurus. Le passage est toujours extrêmement difficile, vu qu'il faut remettre les chaussées en état. Et pour l'instant, vous perdez toujours 50 minutes en direction de Mons, dans les deux accidents cumulés. Donc, un objet encombrant, c'est un matelas sur le ring 3 de Charleroi, autour de Montigny-le-Tilleul. Voie d'accélération est neutralisée en direction de Gouy. Et puis, attention à cette autocar en panne sur le 411 Arlon-Namur, avant l'église, la bande droite est neutralisée. Il y a déjà 8 km de fil et vous perdez 25 à 30 minutes en direction de Namur. C'est un car qui transportait des enfants et les enfants sont en dehors du car, donc soyez extrêmement attentifs en passant par la ring de Bruxelles. Et bien en raison d'un accident, le temps de parcours est de 48 minutes supplémentaires pour l'intérieur Grand Billard Zaventem, 23 minutes en plus pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 20 minutes pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 14 pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 14 également extérieur Zaventem Grand Billard, plus 11 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. À 16h30, on s'informe, le top 3 de Raoul Reyers. Mais auparavant, eh bien, je vous invite encore à vous inscrire pour le qui a dit du jour. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. CPS au 6031, nom, prénom et adresse, 75 centimes le message. Des propositions dans un instant. Mais avant cela, retour sur l'actualité, ce massacre d'Orlando. Daphné Dulaurier revient sur la tuerie d'Orlando et vous vous interrogez sur les nouvelles ouvertures professionnelles que ce drame pourrait générer. Oui, tout à fait. Jusqu'à ce funeste week-end, Orlando m'évoquait le soleil, les palmiers, Disneyland, les oranges, les Jeux Olympiques ou encore, dans mes jours les plus sombres, le frère de la regrettée Dalida, dont le physique n'est pas sans rappeler un croisement stupéfiant entre Julien Lepers et Elton John. Mais c'est pas faux. Et puis l'innommable s'est produit, l'image d'Épinal a volé en éclats, le drapeau arc-en-ciel s'est couvert de sang, le monde est sous le choc. Comme vous tous, j'ai lu la presse, je suis allée voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et je dois dire qu'au final, je ne sais pas ce qui m'a le plus effarée. L'écrasante majorité des médias et des politiciens, chez nous ou ailleurs, qui passent sous silence le caractère homophobe du massacre, Christine Boutin et la Manif pour tous qui font de la récup et y vont de leurs petits messages compassés, ou alors mon champion de toute catégorie, François Hollande, dont l'équipe de com, j'insiste, on parle quand même de l'équipe de communication du président de la République française, a dû effacer et réécrire 3 fois son message sur Twitter. Mais ma stupéfaction a été de courte durée, à vrai dire. Oui, comme je prends actuellement de très puissants antidépresseurs pour traverser ce mois d'Euro 2016 sans dégâts psychologiques, à défaut de me donner l'envie de me tirer une balle, tout ça m'a totalement enthousiasmé et m'a amené une super idée de reconversion professionnelle. Un truc très pointu, vraiment de niche, mais à bien y réfléchir, je pense que ça pourrait quand même être plus ou moins à la portée du premier venu. Voilà, je vous explique. Je me suis dit qu'on pourrait rédiger un petit vadémécum à l'attention de nos politiciens. J'aime bien dire nos politiciens, ça sonne un peu comme nos SDF. Surtout les vôtres. J'ai plusieurs pistes de titres pour ce vadémécum, j'hésite encore. Par exemple, les LGBT pour les nuls, ou comment bien choisir son équipe de com, ou encore du bon usage des réseaux sociaux, ou de Bourd Identity, la mémoire dans la toile. Et ensuite, on vendrait ce vadémécum avec des services de coaching. Notre public cible, ce serait les équipes de communication des dirigeants du monde entier. Enfin, sauf au Canada, parce qu'apparemment, Justin Trudeau, il a déjà tout ce qu'il lui faut. On serait les conseillers en communication des équipes de com. Vous voyez comme c'est finement trouvé. C'est pointu, mais il y a quelque chose à faire. Hein. Consultants, en trucs compliqués, qu'on ne sait pas très bien comment il faut en parler, comme les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. Mais pas que. Les arabes, les noirs, les féministes. Oh oui! Ah oui, ça faudrait carrément une équipe à part. Les musulmans, oh Mia, les musulmans, ça va être compliqué à gérer. Enfin, vous voyez quoi. J'ai déjà trouvé un porte-parole pour la campagne de pub, je ne vous dis que ça. Évidemment, pour la crédibilité, j'ai choisi un homme blanc hétéro, faut pas non plus se montrer trop novateur, ça pourrait nous discréditer. J'ai pris le meilleur, la fine fleur, la subtilité incarnée, Stéphane Powels. On va cartonner les gars, je vois ça d'ici. Alors, concrètement, je vais vous donner un exemple de comment on pourrait intervenir. Imaginez, flashback. Monsieur Hollande apprend la nouvelle de la fusillade. Oi, oi, oi, se dit-il, il va encore falloir que je me fende rapidement d'une communication courte, efficace, bien torchée, c'est au-dessus de mes forces. Donc bien évidemment, le président passe le relais à son équipe de com. Robert, c'est le responsable tweet de l'équipe, balance sur la toile que le président condamne avec horreur la tuerie. Faut dire que c'est tout un nain, la formule en moins de 140 caractères. Mais pas de bol, pour le coup, Robert s'est raté. Il a oublié un truc. En plus, Valls, lui, il a scoré direct, je cite, « En frappant la communauté gay, l'attaque effroyable d'Orlando nous atteint tous. » Fin de citation. Ni une ni deux, les tweetos se déchaînent directement et accusent le chef de l'État de vouloir taire le caractère homophobe de l'attaque. Robert se dit « C'est pas grave, je vais en écrire un autre, ils y verront que du feu. » C'est vrai quand même. Valls n'a sans doute pas tort, parler des LGBT, ça a du sens. D'ailleurs, Valls a quand même eu le score très honorable de 1935 retweets et 1466 j'aime. Bon alors, on va dire que, je cite, l'effroyable tuerie homophobe d'Orlando a frappé l'Amérique et la liberté, la fin de choisir son orientation sexuelle et son mode de vie. Fin de citation. Voilà. Robert est tout content, il clique sur Enter. Mais non Robert, encore raté. Comment ça, choisir son orientation sexuelle? Évidemment, les réseaux sociaux se déchaînent sur le président, c'est la catastrophe, le tweet est carrément effacé, mais Internet n'oublie rien. Et la fin est réécrite. Mais c'est trop tard, le mal est fait, le président est passé pour un guignol aux yeux du monde. Si seulement Robert avait suivi notre coaching et lu attentivement notre vademecum ou appelé notre hotline, il aurait directement trouvé les mots justes. La communauté internationale aurait acclamé la clairvoyance et la finesse du président. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Vous voyez l'étendue du boulot qui nous attend. Franchement, on va peut-être relancer l'emploi là, non ? Ah bah ouais, et comment ? Et comment ? Merci à Daphné pour cette chronique qui revient effectivement sur cette tragédie qui touche les Américains et qui touche le monde entier d'ailleurs. Tiens, que fait le coyote avec son ami ? Ah bah ouais, mais c'est ce qu'on va écouter, tiens, tout de suite avec petit morceau signé Joe Dassin et on revient dans la suite pour être presque sérieux. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de terre. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde le jet d'eau. Il y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux, bim-boulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Il y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé, bim-boulé. Mais la fille d'à côté, en voiture décapotée, la mère exaspérée me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé. Elle a des yeux, bip bip. Ouh, elle est prête à me fusiller, bim-boulé. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Il pleut des sauts, bip-bip. Ouh, la pluie lui tombe sur le nez, bim-boulé. Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, bip-bip. Oh, j'ai l'air d'un bon gros chien mouillé, bim-boulé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté le signe de la main. Au revoir et à demain. On pense bien entendu à tous ceux qui sont dans leur voiture. Joe Dassin, souvenir, bip-bip sur la première. Hey, Raoul, ça fait du bien. Et presque sérieusement, Raoul, trois titres que vous avez dénichés pour nous. D'accord. En numéro 3. Une Suzuki Splash tombe dans une piscine. C'est bon. Tout est dans tout. Je vous jure, c'est vrai. Ça fait plouf. À quand une panda va venir bouffer les bambous à Paris d'Aïza? Ou écraser un panda. Allez, une polémique insolite enfle à propos d'Erdogan, qui n'aurait pas de diplôme. C'est pas vrai. Et s'il n'a pas son diplôme, il ne pouvait pas devenir grand moufti. Non. Non, je vous jure, c'était... Alors que il a quand même 44 doctorats honoraires, mmh, et Obama en a 6. Ah, faut, oui, pas demander. Ouais. On l'appelle déjà le Serge Kubla turc. Le cumul des diplômes. Oh, numéro 1, Raoul. Numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. On en reparle encore, hein. Vous avez du mal à trouver le sommeil, Coca-Cola a la solution. C'est quoi ? Ils essayent au Japon, c'est de l'eau, de nouveau, avec, une substance qui vient du thé. Hein, et cette boisson, ça va s'appeler le glaceau. C'est pas mal. Une équipe de com' encore derrière. Ouais, wow. Ouais. Alors, on va appeler ça le glaceau, ça sera bien froid. Dedans, il y a de la théanine. La théanine, c'est un acide aminé présent dans le thé, hein, et qui permet d'un peu endormir votre cerveau et de... vous empêcher d'être trop stressé. C'est du plomb fondu. La question à 10 balles, pourquoi pas boire du thé directement, quoi. Oui, non, parce que ça vient du thé vert aussi et que le thé vert est plutôt excitant. Bah, faut bien vendre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, Coca-Cola vous excite le jour et vous endort la nuit. Ouais. Donc, il a tout à fait le pouvoir de faire ce qu'il veut. Monsieur Coca-Cola a des idées. Hein, ouais, et en plus, pour rien, il vous file le diabète. Et pour rien. Merci Raoul pour ce petit top 3. Dans la suite, on s'informe et nous jouons ensemble au qui a dit du jour. Je vous rappelle la phrase. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Qui aurait pu la prononcer, cette phrase? Et il va être question de scoop. Oui, scoop dans un instant. Restez avec nous. Nous sommes presque sérieux. On s'informe à 16h30 avec Marie Bourguignon. A tout de suite. Vibrez au son de vos artistes préférés dans les meilleurs festivals. Couleur Café, Les Ardentes, Tours Festival, les Francopholies de Spa, Brussels Summer Festival. Rejoignez-nous cet été sur nos festivals partenaires. Achetez vos tickets dès maintenant sur rtbf.be/tickets. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/thevoice. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. La Netherlands Academy présente la métamorphose de l'été. Avant l'été, voici ce que Manon vous aurait dit. Je cherche une école réputée qui n'enseigne que le néerlandais. Cet été, j'irai à la Netherlands Academy, je ne vois qu'elle. Après l'été, vous la trouverez métamorphosée. Ik heb het gedaan. Ongelooflijk. We hebben de indruk in Vlaanderen te zitten. Overal spreekt men Nederlands. Netherlands Academy. La porte qui ouvre les portes. Stage intensif de 2 semaines durant tout l'été. Plus d'infos sur nedaka.be. Envie de vibrer. Envie de fou rire. Envie d'infos. Envie de partager. Envie de rêver. Envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. La première et les Halles présentent Blowin de Catherine Diverès. 20 artistes pour un spectacle brut, libre comme le vent. Mouvements des corps, musique et lumière sont chaque jour réinventés. Le passage de flambeau d'une grande chorégraphe à la jeune génération. Au Hall de Scarbec du 16 au 18 juin. Info 02 218 2107 ou halles.be avec le journal Le Soir. La première. 16h30. On s'informe avec Marie Bourguignon, bonjour. Bonjour, une liste de cibles comprenant des personnalités a été saisie au domicile du policier et de sa compagne tuée hier en France dans les Yvelines. Le couple a été abattu par Larossi Abala, âgé de 25 ans. Le meurtrier avait prêté allégeance à Daesh. 3 proches du tueur ont été placés en garde à vue. Le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité, Lampiris, est racheté par le groupe Total. Le géant pétrolier se lance ainsi sur le marché de la vente de gaz et d'électricité aux particuliers. Le rachat de la petite société aussi entre 150 et 200 millions d'euros. L'Empiris s'est empressé d'annoncer qu'aucun emploi ne serait supprimé. Comment les Diables Rouges se sentent-ils aujourd'hui au lendemain de leur défaite face à l'Italie ? Dans Soir Première, Thierry Luthers nous donnera de leurs nouvelles. Soir Première qui reviendra également sur les impacts de la tuerie d'Orlando sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Une tuerie qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à 50 personnes. Fin de ce rappel des titres, on poursuit avec vous Walid. Merci Marie, retourne à l'information dans 28 minutes précisément, ce sera à 17h. C'est presque sérieux, sur la première 16h-17h30, avec Walid. Ils sont tous presque sérieux, ils ont lu l'actualité, il y a Corentin Candy qui n'a pas encore dit mot. J'ai donné la bonne réponse du premier jeu. Vous savez que vous êtes... Le diabète, il a dû 3 fois pour être certain. Il y a Daphné Lulaurier, il y a Sergio Honoré, Raoul Reyers, Vincent Flibustier, nous accueillons Liliane du côté de Gansoron. Bonjour Liliane. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors Liliane, on m'a dit que vous faites un peu de tout dans la vie. Hein, vous faites des fromages, vous écrivez, vous... Dites-moi. Non, je fais du fromage vert, un peu de tout. Vous faites un peu de tout ? Oui, c'est ça. Quel fromage vous faites ? Vous faites du fromage à la maison ? Je ne fais pas de fromage. Ah. C'est une allusion à la publicité sur les fromages belges. Vous vous souvenez ? Le fromage belge, un peu de tout. Elle fait la même chose. Ah oui, elle d'accord. Fait un peu de tout. C'est ça que elle fait aussi bien du boudin. Alors, que du fromage. Il faut alors du coup saluer Clément hein, qui me fournit des bonnes informations. Je me dis, elle fait du fromage, enfin, un peu de tout. Je fais ah bon, j'ai pas compris. Elle fait du boudin. Et je vous promets mot pour mot. Et je lui ai demandé, vous venez d'où ? Il me dit Gansoron. Parce qu'en fait Clément est français, donc Gansoron, il sait pas prononcer. C'est dans la capitale, du côté de Bruxelles, ma chère Liliane. Nous allons jouer avec une phrase et un scoop, oui, avec cette phrase. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Nous vous offrons 4 entrées pour le pass. Écoutez attentivement les propositions que nous allons vous faire. Daphné Dulaurier, qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase ? Eh bien, c'est le président chinois Xi Jinping qui est interviewé lors de l'inauguration du premier parc Disneyland ouvert à Shanghai. Il a dit très enthousiaste au journaliste qui lui demandait s'il avait vu Mickey. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, il est encore plus mignon en vrai. Raoul Reyers, qui aurait pu dire oui, je l'ai vu de mes propres yeux ? C'est Kiki l'innocent. Ah bon ? Vous voyez qui c'est, le type de toutes les couleurs là, qui est à l'émission de sport. Oui. Eh bien, il a dit, je l'ai vu de mes propres yeux, Jacqueline Galland, habillée en rouge à Lyon, qui venait supporter les Diables Rouges. Tout le monde l'a vu. Oui, mais lui, il l'a vu de ses propres yeux. Ouais, c'est encore mieux. Posons la question à Sergio Honoré. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Eh bien, c'est le roi des Belges, Léopold II, en parlant du Congo, pris en flagrant délit de mensonge, puisqu'il n'y a jamais mis les pieds. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Vincent Flibustier. Jamais croire les rois. Eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est Sepp Blatter, l'ex-président de la FIFA, qui a avoué avoir vu un tirage au sort truqué à une époque comme ça. Tiens, ce serait étonnant truqué. On va me poser la même question, enfin, pour boucler la boucle. À Corentin Candy, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Eh bien, c'est Amanda Lear. On lui a demandé ce qu'elle était au juste. Elle a répondu, oui, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Comprenne qui pourra. En fait, c'est Saint Thomas. Amanda Lear. Liliane, je vous rappelle les propositions. Xi Jinping, Kiki l'innocent, Léopold II, Sepp Blatter ou Amanda Lear. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Procédons par élimination. Est-ce que vous voulez vraiment que je procède par élimination ou est-ce que je vous donne la bonne réponse? Alors, allez-y tout de suite, hein, perdons pas de temps. Voilà. Alors, c'est Sepp Blatter. Ah oui, Sepp Blatter. Alors là, c'est scoop. Le football est à nouveau dans la tourmente après de nouvelles déclarations de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui avait dû donc démissionner à la suite de nombreux scandales. Il fait une déclaration, il dit que c'était pour une compétition européenne. Une seule équipe a réussi à le faire, c'était du côté de l'Italie, sans pointer du doigt l'équipe en particulier. Vous pouvez voir que les boules du tirage sont identifiables en les rendant chaudes ou froides. Eh ouais. J'en étais témoin, il déclare, pour cela il suffit de mettre des boules dans le réfrigérateur juste avant le tirage au sort et après vous savez qui est qui. Trucage. Je vous conseille pas de mettre vos boules dans le réfrigérateur. Ouais. Bah, voilà, voilà. Ouais, ils font ça au loto aussi. Pardon ? Ils font peut-être ça au loto aussi. Non, mais le loto. Ou à Motus. Ouais. La triche à Motus, vous imaginez le scandale. Le scandale, oui. Mais en tout cas, scandale, effectivement, qui vient une fois de plus éclabousser le football mondial. Ces fameuses boules, elles sont soit chaudes, soit froides. Et donc, du coup, ça vous permet de voir un petit peu quelle équipe est tirée au sort. Liliane, ce qui vous permet donc, avec cette bonne réponse, de repartir avec 4 entrées pour le pass. Ce musée de sciences et de technologie. Vous allez pouvoir vous y amuser avec 3 personnes de votre choix. On vous embrasse, restez nous fidèles, restez presque sérieuses, Liliane. Ok, merci beaucoup. Et surtout, continuez à faire du fromage. Mais oui, dites. Pas dur ou pas de molle. Ne changez rien. Bon, dans la suite, on jouera également avec vous avec un mot extrait de l'actu du jour. Nous jouerons au presque jeu des dictionnaires. Un abonnement, 3 spectacles valables au théâtre de poche. Faites comme Liliane, envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous allez voir un lieu convivial auquel on vous invite donc avec cet abonnement. 3 spectacles pour la saison 2016-2017. Dans la suite, eh bien, si on parlait de football, tiens, on poursuit cette aventure footballistique après Sepp Blatter. Voici une chronique vue et corrigée par Sergio Honoré. Il y a bien sûr la capacité de faire mieux en Belgique et partout dans le monde. Je ne peux pas accepter l'idée qu'il y aurait un pays défaillant. Et j'ajoute que à la table du Conseil européen, nous sommes systématiquement les plus déterminés. Un match de foot fédéral belge. Oui, on va en parler avec Sergio Honoré, une analyse d'une bonne petite équipe belge. Chers amis du sport, et à l'article 107 quater de la Constitution belge, bonjour. Nous prenons l'antenne alors que le match bat son plein depuis 21 mois seulement. D'un côté du terrain, nous avons les diables. Les diables de quelle couleur? Pas facile à décrire. Nous avons eu les diables olivier, les diables orange-bleu, les diables amarantes, les diables violets, les diables suédois. Si je mélange du bleu, de l'orange et du noir, j'obtiens quoi? Du caca. Alors d'un côté, nous avons les diables caca. Une très belle équipe composée de blocs, de jambon, de crocs, de Kens, de Crème, de Franken, de Slurs, et de l'autre côté, du terrain, une équipe composée, ah ça c'est inhabituel, l'équipe n'est composée que d'un seul membre, mais oui, ce garçon au profil de ballon rond qui aurait un quartier en velcro, c'est Charles Michel. D'un côté, les diables caca, de l'autre côté, Charles Michel. On a passé une très belle action de Jacqueline Galland, qui a mis Charles Michel en difficulté dès le début, en oubliant volontairement 2 rails de RER, suivi immédiatement d'une action de Jacqueline Galland, la même Jacqueline Galland sur la sécurité de l'aéroport de Zaventem. Esquive de Charles Michel qui par 2 fois a évité le carton jaune mais qui finalement n'a pas pu sauver Jacqueline Galland. Une très belle attaque de Jean Jambon qui immédiatement après son investiture est allé chanter le Vladeren über alles dans la chorale Das Hermann Röhring Freundschaft. Échappée belle de Charles Michel qui pour toute remarque a qualifié son ministre de facétieux chansonnier. Mais oh là, oh oui, c'est Théo Franken, c'est le petit Théo Franken qui tacle Charles Michel avec une belle manchette, tandis que Bart De Wever l'immobilise d'une crise de Majora d'Anvers et lui glisse à l'oreille un mot, un geste contre la NVA et je jette ton cartouf dans les orties. Charles Michel s'en sort devant la presse en le traitant de canaillou. Haha, beau joueur. Bart de Wever lui fait un Luigi. Ah là là là là, ça ne fait pas du bien au petit Michel qui se tient les roubignoles à deux. À demain, il monte au créneau, passe sur la sécurité. Non, c'est Joël Milquet qui passe sur la sécurité des écoles, repasse sur gangbang organisé à Saint-Michel. Elle marque avec une inculpation pour financement frauduleux de la campagne électorale. En passant, Frédéric Riis lui met un caillou dans la chaussure. Le petit Michel va-t-il s'en remettre? Oui! Malgré une violente douleur aux gonades et un déversement intégral du contenu de son cartable dans les orties effectuées par la NVA, il fait monter Anna Créoli au créneau juste avant le festival de Cannes. Ah, il a bien du courage, le petit Michel. Il remonte les terrains. Mais bardaf! Lockdown de Bruxelles, attentat de Zaventem, le petit Michel ne sait plus où donner de la tête. Belle contre-attaque de son service médiatique. Il fait diversion sur CNN où il affirme que la Belgique n'est pas un état voyou. Contre le match s'éternise. Aucune équipe ne semble vraiment prendre de l'avance. Greffe sur le flanc gauche, greffe sur le flanc droit, greffe au centre. Ah, ah, ah, ah! Une délégation de gardiens de prison qui s'avance sur les terrains. Il est à peine 5h du matin. Il scante. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Même le pape chante en chœur. Mais voilà le petit Michel qui court vers le cercle de Wallonie. Ah, il est arrêté dans son élan avec une frite mayonnaise, tandis que Bart de Wever bourre son cartable d'ortie fraîche, de poils à gratter et de boules puantes. Ah, je vois que ça bouge du côté de Mons. Charles Michel est couvert de plumes et de goudron. Il continue, il persévère. Je dois rendre l'antenne alors que le public lui lance des tampons hygiéniques usagés, des côtes de porc à demi rongées. Dans les coulisses, Louis Michel ricane et il nous a laissé ce commentaire. Comme ça, il apprendra ce que c'est, que ce n'est pas facile tous les jours, le gamin. Tandis que Bart Wever s'exerce au lancer de cartouf dans les orties, je vous dis, chers amis de la démocratie participative, à la semaine prochaine. Ah, Sergio Noré, match de foot revisité, la politique qui s'invite sur le terrain, ballon rond, tout ça, on fait des passes, mauvaise passe, tirage de maillot, hors-jeu, pas hors-jeu, carton rouge, carton jaune. Ce serait bien d'organiser un vrai match, vous savez, à l'ancienne, comme ça, mais juste pour là, je pense que je suis certain, on cartonnerait en audience. Ah oui, ça, hein, c'est prenez tous les membres du gouvernement, leur mettez des t-shirts, des shorts, des crampons, hop, vous les faites monter sur le terrain. Certains pour qui il faut déjà trouver la taille du maillot. Oui, mais c'est pour être drôle, je vous promets, avec des remplaçants, machin, des tacles, blessés. Drôles. Et là on pourrait faire passer les lois. Tacler Maggie de Bloc, ça pourrait être amusant. Le premier qui marque, hop, le premier qui gagne, la loi, elle passe. Oh, l'ancienne, quoi. Ah, c'est fini. Et il y aurait Elio Di Rupo, alors je repense à lui. Il serait keeper. Capitaine. Goalkeeper. À vie. Je repense à lui. Le capitaine reste toujours le dernier sur le navire. C'est vrai. Bien sûr. Comme sur le Titanic. C'est vrai. Chantons. Et c'est le mieux habillé. Chantons. Et jouons également avec, justement, un mot extrait d'une actualité du jour que nous décortiquerons avec vous dans un instant pour jouer avec nous au presque jeu des dictionnaires et repartir avec, un beau cadeau, un abonnement, trois spectacles valables au théâtre de poche. Il suffit de vous inscrire. CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On aura droit à une presque star avant 17h. On s'informe, bien entendu. Et puis, on fait un point sur vos conditions de circulation. Ça se passe tout de suite sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale de Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Bleu Blanc Mag, c'est de l'actu droite au but, des rires et du direct avec Benjamin Dossenin et toute sa joyeuse équipe. Retrouvez-nous tous les jours pour Bleu Blanc Mag, le magazine de l'euro. À 17h10 et 20h10 sur la 1 ou la 2. La première, Mobile Info. 16h44, ça rigole pas forcément sur nos autoroutes, n'est-ce pas Pierre-Claire Bovy? Non, parce que c'est toujours ces problèmes liés aux deux accidents coup sur le 42 Namur-Monge, le premier à Gosselies, le deuxième un peu avant cela à Fleurus. Et bien vous perdez toujours une bonne quarantaine de minutes en direction de Mons. On travaille toujours au dépannage d'une part et à la réfection des voiries d'autre part. Autocar en panne, on le rappelle, sur le 411 avant Namur, peu avant l'église, vous perdez une quarantaine de minutes en direction de Namur. Il y a 11 km de ralentissement. Les enfants sont en dehors du car, donc abordez cet endroit avec beaucoup, beaucoup de prudence, bien sûr, levez le pied. Un véhicule est en panne à Bruxelles dans le tunnel Le Rogier. La bande droite est encombrée en direction du Midi. Ring de Bruxelles, le tronçon extrêmement ralenti en raison d'un accident. 55 minutes en plus pour faire le trajet en intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 34 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 22 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 13 pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 11 pour l'intérieur au titre Grand Bigard et plus 11 également pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Vous connaissez Michael Kiwanuka? Bien sûr. Je connais un Michael, mais tu ne t'appelles pas Kiwanuka. Bah, je vous le ferai découvrir dans un instant. Restez sur la première, le temps pour moi d'accueillir Ali. Bonjour Ali. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien, vous allez au boulot, vous êtes du côté de Jumet. Oui, je suis là. Là, je suis pas loin de Bercelles, quoi. Je me suis garé. D'accord. Parce que j'étais en voiture, donc il n'y a pas de souci. Bien entendu, on a tout le temps, mon cher Ali. Ali, vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien. Je travaille dans le domaine bancaire, en fait. Vous allez travailler maintenant, en fait. Vous travaillez quoi, de nuit? Je suis de soirée, en fait. Oui, je suis de soirée. C'est dans l'informatique d'exploitation, donc on doit... Ah oui, ça c'est clair. L'exploitation, effectivement, est bien utilisée à ce niveau-là, oui. Mon cher Ali, à 16h46, ouais. Eh bien, nous allons vous proposer un mot dans ce presque jeu dédico. Un mot qui pourrait faire référence à une actualité. D'abord, et dans un premier temps, eh bien, on vous propose des définitions. À vous de déterminer quelle est la bonne définition et puis tenter de rattacher ce mot à une actualité. Le mot du jour, c'est évergétisme. Évergétisme, Raoul Reyers. L'évergétisme est cette théorie scientifique qui prouverait que si l'homme descend du singe, le wallon descendrait, je dis bien descendrait, du paresseux. Mmh. Donc, pour prouver leur expérience, hein, les chercheurs de l'université de Büchenbach ont voyagé essentiellement en tech et sur les lignes de la SNCB et ils ont très vite remarqué qu'effectivement, tout était plus lent en Wallonie. Donc, la création du monde paresseux aurait donc eu lieu à Namur, encore un atout de plus pour la Wallonie, ne dit-on pas d'ailleurs. Qui va s'en ou va piliano. La création du monde paresseux, ce serait donc ça l'évergétisme. Bah, c'est scientifique. Hein. La création du monde paresseux. On va poser la question à Corentin Candy, l'évergétisme. Eh bien non, c'est pour un notable faire profiter à la collectivité de leur richesse. Mm-hmm. En fait, c'est un peu l'impôt, quoi. Mais avant, les Panama Papers. D'accord. On va demander à Daphné Dulaurier, l'évergétisme. Alors, pas du tout. L'évergétisme, c'est la propension qu'ont les habitants de la riante commune d'Evers, à Bruxelles, à vivre en autosuffisance pour ne pas devoir sortir du territoire de la commune. Ils travaillent à Evers, font leurs courses à Evers, vont au restaurant à Evers, font du sport à Evers, mettent leurs enfants à l'école à Evers. Il est à noter que bien souvent, les Évérois se marient entre eux. Ah, donc les habitants des Verts qui en autosuffisance. Voilà. On va demander, j'ai peur, hein, Sergio Honoré, l'évergétisme. Eh bien, c'est presque ça. Il faut décomposer Evers, commune d'Evers, commune de Bruxelles, et vergétisme, vergéture. Et donc, effectivement, c'est la profession d'un chirurgien esthétique basé à Evers. Profession d'un chirurgien esthétique. Donc, c'est un chirurgien esthétique qui habite à Evers. Voilà. On n'a jamais autant parlé d'Evers. Un scarbégétisme, c'est quelqu'un qui opère des vergetures. Oui. Ascarbeck. Voilà. Oui. XL, ce sera un XL-égétisme. Voilà. D'accord. Et alors, vous savez ce que c'est un véliplanchiste? Raoul Reyers. Un véliplanchiste, c'est quelqu'un qui a la planche à voile. Et un méliociste. Un méliociste. Tite, on sort du jeu. C'est quelqu'un qui aime les os à moelle. Ah oui. Voilà. On en apprend des choses. Le gai savoir. L'évergétisme, pour Vincent Flibustier. Eh bien, ça se dit évergétisme. C'est un néologisme terroriste. Donc, en fait, c'est quand tu revendiques un attentat, puis que tu le dérevendiques parce que ton terroriste était gay. Ouais. C'est un mot qui est assez nouveau. D'accord. Alors, mon cher Ali, je vous rappelle les définitions, la création du monde paresseux pour l'évergétisme. Les habitants des Verts qui vivent vivent en autosuffisance, profession de chirurgien esthétique qui travaille donc du coup à Evere, ou un néologisme terroriste. Bien, à vous de déterminer parmi les propositions, me donnant un nom, d'après vous, qui a la bonne définition. Moi, je serais plus pour la deuxième proposition qui a été dite. C'est vrai. Donc, parce que bon, le premier, bon, moi, j'habite Jumet, j'habite pas loin des techs du dépôt de Jumet, donc là, je crois pas trop. Ouais. Donc, vous voyez qu'une sort jamais. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, puis le reste, je pense que c'est un peu gros. Donc, ouais, je serais plus pour la deuxième proposition. L'évergétisme qui consiste donc pour les notables à faire profiter la collectivité de leur richesse. À quelle actualité vous pourriez rattacher ce mot? L'actualité, à quelle actualité, j'en sais rien. Ouais. C'est la question que je me suis posée en voyant le mot. je vais le rattacher à la reine Mathilde. Essayez donc de gagner, mon cher Ali, à la reine Mathilde qui recevra en audience demain le président de la Banque Nationale, Yim Yong Kim. Un rendez-vous qui pose donc problème au député NVA Hendrik Veuil, pour qui la reine outrepasse son rôle. La reine n'est pas couverte politiquement, ce qui pourrait donc représenter un problème en cas d'incident. Le palais, lui, n'y voit aucun problème, affirmant que l'audience entre dans le cadre du mandat que la reine a entamé cette année pour défendre les objectifs du développement durable de l'ONU. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui raconter? C'est ça qui est le pire. Oh, c'est pourquoi il arrive, elle offre un verre et puis c'est bon. C'est hein, bon, vous avez acheté ça. C'est un truc qui est fait chez nous par le développement durable. Oui, c'est ça. Dites-nous, allez mettre du bien un peu. Oui, on va faire du bien. Okay, et d'accord. Donc, c'est gagné, mon cher Ali. On vous envoie un abonnement pour le théâtre de poche. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux. Vous pouvez d'ores et déjà reprendre la route, car nous poursuivons cette aventure presque sérieuse avec une presque star. Notre presque star est avec nous. Accueillons-la sans plus attendre. C'est presque sérieux sur la première. Il répond prénom de Bernie. Bonjour Bernie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors très bien. Bernie, on va s'intéresser à vous. Nos chroniqueurs ont exactement 1 minute 30 pour me poser une série de questions. Je ne réponds que oui ou non aux questions qu'ils me poseront. On parle de vous dans la presse. Oui, mais pourquoi? Est-ce que Bernie est dans la Formule 1? Bernie Ecclestone? Non. Avec un accent comme ça. Non. Est-ce que vous êtes mieux coiffé? Oui, il est mieux coiffé, certainement. Est-ce que Bernie a été candidat à l'élection présidentielle des États-Unis? Bernie Sanders? Non. Oh. Bon, est-ce qu'il est dans le football? Est-ce qu'il est dans le football? Pensez que je vais tout faire sur le foot aujourd'hui? Ouais. Ah ben non. Ah ok. Ah ben non. Est-ce que Bernie fait dans quelque chose qui se mange? Absolument pas. Qui se boit non plus? Qui se boit non plus, non. Dans les nourritures spirituelles? Dans les nourritures spirituelles. Ah, moi je pense que ça a de l'âme. Il nous en parlera, mais ce n'est pas spirituel. Est-ce que Bernie aide les gens? Bernie aide les gens, bon, non. C'est de la culture? C'est de la culture. C'est de l'artisanat? C'est oui. Artisan, oui, artisan, oui. Oui, oui, oui. Est-ce artisan. Que Bernie a croqué dans un canari dans un film? Bernie. Bernie, non. J'ai un ami qui veut vous du bien. Écoutez, est-ce qu'il manipule le bois? Écoutez l'indice que voici, non. Alors, il est fabricant de sonnettes. Fabricant de sonnettes, non. C'est non, du vélo. En fait, c'est du vélo, oui. C'est lui qui écarie les chats pour faire les boyaux. Non plus. Et il fait un vélo particulier, original, bio, vegan, sans gluten. Non. Alors, sans lactose. C'est... Alors, une idée. Ouais, on est dans le vélo, effectivement. Mais c'est un nouveau vélo. En fonction de votre budget, de sans votre frein. Choix de couleur et des composants nécessaires, qu'est-ce que Bernie peut faire? Il va voler pour vous vélo un vélo. Vous customisez un vélo. Il va vous créer un vélo de toutes pièces. Ah oui, comme un informaticien qui monte un ordi. Voilà. Artisan qui restaure des vélos déglingués pour en faire de véritables œuvres d'art. C'est bien ça, mon cher Bernie Prestat? C'est exactement ça. Voilà, vous c'est travaillez chez ça. Unique Bikes. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe. Le vélo, bon bah, vous les récupérez où d'abord? Vous allez dans les casses Ouf, ça c'est très varié. Je source mes vélos autant en brocante que sur Internet. C'est au nez, au pif, quand l'occasion se présente. Alors c'est quoi? C'est de la récup haut de gamme? Oui, c'est de la récup haut de gamme, mais pas seulement. Je travaille sur tout type de vélo, les vélos de cœur de mes clients aussi. Par exemple, ça peut être un vélo transmis, un patrimoine familial. Mmh. Que vous restaurez simplement ou vous le Restaure ou alors selon les envies que je peux aller personnaliser un petit peu plus en profondeur ou adapter aux nouveaux besoins de l'héritier du vélo. Mmh. C'est modifier les vélos volés, quoi. Alors les vélos. Ah non, jamais. Ça, c'est maquiller les camions. Je sais qu'il y a une église désacralisée qui vénère le vélo ici en Belgique. Si je ne dis pas de bêtises, c'est autour de Frank Vandenbroek qui nous a quittés. Ah bon. Oui. Qui nous a quittés. Des lointains cousins des pastafariens, en quelque sorte. Oui, non, mais je vous promets, c'est une église désacralisée. Mais c'est, je trouve que c'est bien fait parce que justement, il y a une œuvre d'art autour du vélo. C'est ce que vous faites aussi. Vous créez des œuvres d'art à partir de vélo ou pas du tout? Vous restaurez simplement? Bah, écoutez, ça peut s'apparenter à une œuvre d'art si on part dans une personnalisation très très profonde. Mmh. Après, il y a des gens qui me demandent des vélos simplement pour les exposer chez eux, donc ça peut être aussi vu comme un objet décoratif ou voire même une œuvre d'art quand c'est un vélo qui a un certain patrimoine ou un certain cachet. Il y a des marques un peu plus rares que d'autres, il y a des choses qui sont plus collectables que d'autres. Alors la marque, une marque collector, si je veux avoir une œuvre d'art chez moi, un vélo exceptionnel. Si vous allez dans les Dimerks, vous serez peut-être pas déçus, ouais. Parce qu'il y a de jolies choses dans notre pays. Ouais. Puis sinon, il faut chercher un petit peu, faut avoir un coup de cœur. Il y a pas mal de marques qui ont, comme ça, dans leur création, dans leur époque, fait de belles choses. Donc, au niveau du coût, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, c'est le temps de travail, c'est le volume? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Après, la rareté des composants va aussi rentrer en ligne de compte. Si je dois sourcer beaucoup de choses qui sont plus présentes sur le vélo ou qui sont endommagées et qu'il s'agit d'un vélo un peu rare ou un peu ancien, là, du coup, le temps de recherche pour collecter en fait tous les nombreux éléments qui forment le vélo peut prendre du temps et ça se ressent aussi dans le budget. Le vélo le plus farfelu qu'on vous ait commandé? Le plus farfelu Alors j'ai travaillé sur un vélo barbecue avec mes amis de Roche. Raoul, voilà, c'était sympa. C'était Raoul Reyes. Il promène encore ce vélo-là et il y a un joli barbecue qui équipe un triporteur. C'est idéal en hiver. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, ça fait braser en même temps, c'est bien. Hey, ça fait de la fumée quand vous roulez, c'est bien. Des vélo, locomotives comme ça. Un vélo Eddy Merckx, ça coûte cher ça. Il faut demander à la police. Mais si on a du nez, on peut le trouver en brocante presque rien quand on a l'œil. Ouais, quand on a l'œil. Vous m'en mettez un de côté. Et que la personne en face de vous n'y connaît rien du tout. On mettra toutes vos informations concernant cette particularité. Vous restaurez les vélos déglingués pour en faire de véritables objets d'art depuis 2009. Vous dites d'ailleurs que les vélos ont une âme, un atelier, des bouts de vélo, beaucoup d'idées, une grande technicité. Bernie Prestat de Unique Bikes, vous étiez notre presque star du jour. On vous salue Bernie, à bientôt. Salut, à bientôt. À bientôt tout le monde. On reste Merci. Presque sérieux, on s'informe nous dans un instant à 17h avec Diane Burgel-Vernet. Autour de la table, il y a toujours Vincent Flibustier qui vous proposera des histoires dans un instant. Il y aura Corentin Candy qui lui va nous parler d'Elio Di Rupo qui reste le capitaine du navire. Il y a Daphné Dulaurier, Sergio Honoré, Raoul Reyers et vous, auditeurs de La Première, restez-nous fidèles. Rendez-vous d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission si vous voulez repartir avec des cadeaux et partager votre amour de l'information, de l'actualité avec nous. On a passé le cap des 12 000. Ce serait bien que pour la fin de la saison, on soit à 13 000, hein, Raoul ? Minimum. Ouais, ce serait pas mal. Donc n'hésitez pas, vous allez sur la page Facebook. Nous, on marque une pause et on revient pour la suite de C'est presque sérieux. Messieurs, dames, vous aimez les pommes de terre primeur ? Alors vous allez adorer mes pommes de terre Spunta Chocolat en provenance directe d'Italie. Elles sont à 9 euros la caisse de 10 kilos. Profitez-en ! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? No. Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez, Zo, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Arte Belgique est la première présente Beaux-Arts Expo. Le mur de Berlin a aussi été un mur entre les artistes. Beaux-Arts présente un aperçu des plus importants courants artistiques des deux côtés du rideau de fer. Action painting, art médiatique ou conceptuel. Facing the future jusqu'au 25 septembre. Info Beaux-Arts.be. Chez Decathlon et sur Decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre. Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... les gars, il y a des belles vagues. Sors la planche. Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Décathlon, à fond la forme. La météo. Bonne fin de journée à tous. De nouvelles averses reviennent sur le pays. Localement, un coup de tonnerre sera possible dans le courant de la nuit. Le temps sera sec sur le nord. Encore l'une ou l'autre petite averse sur le sud, minima de 9 à 12 degrés. Demain matin, le ciel sera déjà partagé entre nombreux nuages. Quelques éclaircies plus larges près du littoral qu'ailleurs. Il y aura déjà des averses dans l'avant-midi. Et puis l'après-midi, on pourra y ajouter localement un coup de tonnerre. Les maxima, comme aujourd'hui, iront de 14 à 18, voire localement 19 degrés. On garde ce temps instable jeudi et vendredi avec encore risque de coups de tonnerre. Les températures remonteront légèrement à partir de jeudi. Samedi, le risque d'averse va diminuer pour revenir à un temps sec dimanche. Des températures qui ne dépasseront plus 14 à 18 degrés. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes ? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborre et emportez-la directement. Vandenborre. Il est 17h. Diane Burgul-Vernet pour vous informer. Bonsoir Diane. Bonsoir. Larosie Abala, le meurtrier d'un couple de policiers près de Paris, est loin d'être un inconnu. Il avait été condamné en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. L'Empiris, le fournisseur liégeois de gaz et d'électricité, a été racheté par le géant pétrolier Total. C'est une très bonne nouvelle, nous a confié le patron de l'Empiris. Total, dit-il, va nous permettre d'offrir plus d'énergie verte à nos clients. Pierre Collard-Beauville, il y a des tunnels fermés à Bruxelles à cette heure-ci. Oui, effectivement, suite à un incident technique, donc à Bruxelles, le tunnel Porte de Halle et le complexe Louis-Stéphanie sont fermés à la circulation. On ne sait pas très bien ce qu'il s'y passe, mais on a envoyé notre motard de reconnaissance voir un peu ce qui se passait. 1h10 maintenant, vous perdez 1h10 dans les problèmes des accidents sur le 42 Namur-Mons en direction de Mons, et vous perdez également 1h sur le 411 Arlon-Namur à cause d'une panne d'autocar contenant des enfants. La France a donc été la cible d'une nouvelle attaque djihadiste revendiquée par le groupe terroriste État islamique, la première depuis les attentats du 13 novembre à Paris. Hier soir, un couple de policiers a été assassiné à Magnaville, à l'ouest de Paris. Le tueur, abattu par le raid, est Larosie Abala, un Français de 25 ans. Il était connu des services de renseignement pour des faits de radicalisation. Le procureur de la République, François Molins, a donné des précisions cet après-midi lors d'une conférence de presse. Il a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique, Amir al-Baghdadi, et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations qui leur ont permis notamment de saisir à l'intérieur du pavillon une liste de cibles mentionnant des personnalités ou des professions, rappeurs, journalistes, policiers ou personnalités publiques. Le procureur de Paris lors de sa conférence de presse cet après-midi. Philippe-Antoine, vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Vous avez suivi ce point presse. Pour s'adresser aux journalistes cet après-midi dans la petite salle de presse voisine de son bureau, François Molins était accompagné de la directrice de la police judiciaire. Mais elle ne dira pas un mot. Seul le procureur s'exprime. Et très vite, on comprend qu'il n'a pas l'intention d'entrer dans les détails de l'enquête, ni même de répondre à la moindre question. Parmi les quelques précisions qu'il apporte malgré tout, on apprend notamment que le tueur, condamné en 2013 à 3 ans de prison pour sa participation à une filière terroriste vers le Pakistan et l'Afghanistan, a été libéré dès la fin de son procès, puisqu'il avait déjà séjourné près de 2 ans et demi en prison depuis son arrestation en mai 2011. Le procureur confirme aussi que l'homme était sous surveillance téléphonique depuis 4 mois, dans le cadre d'une nouvelle enquête sur une filière syrienne, cette fois, mais que rien dans les conversations surveillées ne permettait d'imaginer ce qui allait se produire. Aucun élément, insiste-t-il, ne justifiait une interpellation. Aujourd'hui, 3 personnes de son entourage ont été mises en garde à vue à Paris. Philippe Antoine, RTBF. Le procureur de Paris qui a également précisé que Larossi Abala a publié quelques minutes après l'attaque, lorsqu'il était retranché avec ses victimes, une vidéo de revendication de 12 minutes. Il l'a ensuite envoyé à plus d'une centaine de contacts, ainsi que deux messages, on l'a compris, de revendication sur Twitter. L'Empiris, racheté par Total. La société belge installée à Liège vient d'être rachetée par le géant pétrolier français. On parle d'un montant situé entre 150 et 200 millions d'euros. L'opération doit encore être avalisée par les autorités qui régulent les marchés. L'Empiris a été créé en 2003. Le petit poussé d'alors est aujourd'hui devenu le troisième fournisseur du marché belge résidentiel en gaz naturel et en électricité. Alors ce rachat est-il une bonne nouvelle pour l'Empiris? Écoutez la réponse de Tom Van de Creuil, c'est le patron de l'Empiris. C'est certainement une bonne nouvelle parce que Total va nous donner l'opportunité de donner beaucoup plus à nos clients. On va pouvoir donner plus d'énergie verte parce que Total est en train d'investir dans le vert. On va être capable d'amener beaucoup plus de produits et services à nos clients. Et Total aussi est une structure beaucoup plus robuste au niveau financier et qui peut nous aider et nous accompagner dans notre croissance en Belgique et dans les autres pays. C'était nécessaire pour l'Empiris de grandir et de trouver un partenaire aussi important que Total ? Oui, je pense bien. Notre intention de l'Empiris était toujours de devenir une organisation importante dans la fourniture d'électricité, d'électricité verte et des produits et services. On a commencé notre croissance, mais on sent quand même que le capital actuel était trop limité pour vraiment réussir nos ambitions. Et avec Total, on a cette opportunité. Le patron de l'Empiris, interrogé par Anne Poncelet. Les syndicats et les directions des chemins de fer se sont à nouveau réunis aujourd'hui. Sur la table, il y a toujours le dossier des jours de récupération. La discussion était très technique. Les syndicats disent vouloir aboutir à un accord jeudi avec les directions de la SNCB. Ils attendent notamment que la SNCB promette de geler les mesures de productivité envers le personnel jusque début 2019. Notez que la CGSP Cheminot a déposé un préavis de grève. Une grève sur le rail est donc toujours possible d'ici le 26 juin. À la Chambre, la commission spéciale sur les Panama Papers poursuit ses auditions. Elle s'intéresse au montage financier qui aurait permis à des banques et des citoyens belges d'éviter de payer des impôts en Belgique. Pour Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, les banques belges n'auraient pas ou très peu contribué à ce genre de montage. Si cela a été le cas, dit-il, c'était de manière limitée et désormais c'est terminé. Écoutez-le. Que disent les banques en manière générale? Qu'elles n'ont pas collaboré ou contribué à l'établissement de structures offshore? Que s'il y a des clients disposant de structures offshore, leur nombre est très limité? En général, on répond que la filiale ou bien est sous contrôle local, respectant la législation nationale et qu'on peut se renseigner là, ou bien que la filiale entre-temps a été cédée. Sur le territoire belge, je pense qu'il y a encore peu de comportements, pas de comportements, je dirais, irréguliers, d'autant plus que, entre-temps que vous savez, depuis la crise financière, par, je dirais, les programmes de restructuration imposés souvent par la Commission européenne dans le cadre du sauvetage des banques, et sous aussi la pression de l'autorité de surveillance, je vise par exemple le cas de Dexia, beaucoup de grandes banques se sont défaites de leurs structures offshore ou des opérations de la nature suspecte que vous examinez ont pu être localisées. Des propos recueillis par Fabien Van Ecotte, une réponse qui n'a pas vraiment convaincu ni majorité ni opposition. La Banque nationale et l'autorité des services et marchés financiers devront fournir de nouvelles explications dans les prochaines semaines. La Fédération européenne de football sanctionne la Russie après les violences commises par des supporters russes à Marseille samedi. Le pays écope d'une suspension avec sursis. Il sera exclu de l'Euro en cas de nouvel incident dans un stade. La Fédération russe est également condamnée à payer une amende de 250 000 euros. Si le phénomène du hooliganisme semble être en baisse depuis quelques années, l'intensité des heurts dans ce début d'Euro rappelle que le football n'en a pas définitivement fini avec la violence. Alors la violence dans le foot est-elle inévitable? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première et vous pouvez réagir en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin. Oui, matin, hein, le hashtag matin sur Twitter. Sur les terrains de football, pendant que les supporters belges se remettent de la défaite des Diables Rouges, les quatre dernières équipes font leur entrée dans la compétition dans le groupe F. Les matchs du jour, Autriche-Hongrie à 18h et Portugal-Islande à 21h. Les Belges ont perdu on le sait, mais vous avez tout de même établi un record hier soir. Vous étiez 1 675 518 000 téléspectateurs hier devant la une pour le match Belgique-Italie. C'est la meilleure audience en termes de téléspectateurs depuis le début des calculs d'audiométrie en 1997, il y a près de 20 ans donc. En Flandre aussi, audience record pour la chaîne EN. Au total, près de 4 millions de personnes ont regardé le match dans notre pays. Merci de nous être fidèles, belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Et à 17h09, il est grand temps de retrouver l'équipe de Walid. Effectivement, une belle équipe hein, qui est en séance de décrassage. Décrassage de l'actualité aujourd'hui. Voilà, pour tout le monde, un obligatoire. Un Raoul. La petite, ouais. petite foulée, chef, c'est parti, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Dernière ligne droite, comme tous les jours, entre 16h et 17h30, toute l'actualité, rien que l'actualité, vue et corrigée par nos beaux esprits du jour de l'impertinence au programme, de la joie de vivre, des questionnements, et puis, peut-être du rire, qui sait, avec Corentin Candy qui termine et qui peaufine sa chronique. Il sera question d'Élie Durepos, le capitaine, qui reste capitaine du navire, ce sera à suivre. Il y a autour de cette table Daphné Dulaurier, bonjour. Bonjour. Il y a Sergio Honoré. Bonjour Walid. Raoul Reyers. Un petit rayon de soleil, hein, qu'est-ce qu'on demande de plus? Une victoire des Belges, voilà. Par exemple, hein, Vincent Flibussier, des petites histoires dans un instant. Oui. Et puis l'histoire avec un grand H, elle est revue et corrigée sans plus attendre avec une question proposée par Laurent Dehausset. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Houston, on a un problème. Rendez-vous demain avec l'histoire de l'immigration italienne de 1946 à nos jours en compagnie d'Anne Morelli, historienne belge d'origine italienne. Ça se passera demain sur la première entre 13h30 et 14h30, émission signée Laurent Dehausset. Qu'on salue d'ailleurs au passage, Laurent, qui vous pose une petite question avec la date du jour. Commercialisé pour la première fois en 1951, je trouve mes origines aux États-Unis et j'aurais pu me faire appeler congesteur ou digesteur. De quoi parle-t-on ? Alors, congesteur ou digesteur, c'est le nom qu'on aurait pu retrouver un petit peu. Un estomac artificiel ? Non. Congélateur ? Un congélateur, non. Est-ce que ça a un rapport avec la digestion ? Absolument pas, c'est la raison pour laquelle ces noms n'ont pas été choisis. Alors, congesteur, digesteur. C'est un mot plutôt anglais, genre digester. Non. Un appareil télévisé. Alors, on n'est pas très loin. Une radio ? Non. Qu'on utilise tous aujourd'hui. En 53, un téléphone. 51. Non, pas un téléphone. 14 juin 1951. Quelque chose qui se trouve dans la cuisine. Le premier à avoir été commercialisé dans le monde. Ovio. Non. Je sais pas. Un micro ? Un micro, non. Un enregistreur de son. Non. Ça a un rapport avec les médias ? Oui. Maintenant, oui, c'est ça. Une enceinte ? Non, pas une enceinte. Non, ça a un rapport avec les médias. Il y a quelque chose de technologique. Ah, c'est de la technologie, bien entendu. Un magnétoscope, non. C'est pas le web, mais on se rapproche. Une caméra. C'est un rapport avec un ordinateur ? C'est un ordinateur, mon cher ami. Ah, carrément. Ouais, au départ. C'est aussi parce qu'à mon avis, il digérait des énormes disquettes, à mon avis. Il y avait un peu cette idée-là. Alors, c'est l'UNIVAC, l'Universal Automatic Computer, hein, qui est le premier ordinateur commercialisé aux États-Unis. Il était créé par un certain monsieur Hackett et John Moseley, qui, avant que d'autres machines ne sortent dans la même série, a été tout simplement appelé UNIVAC, un premier ordinateur et livré aux États-Unis. Alors, il faut savoir que ces ordinateurs pesaient 30 tonnes. Ah, c'est énorme. 25 mètres carrés. Pour le congesteur portable. Ouais, c'est énorme. Et en 1955, en France, IBM, qui s'apprêtait à construire dans ses ateliers de Corbeil-Essonne, les premières machines électroniques distribuées et destinées surtout au traitement de l'information, le mot computer était lui plutôt réservé aux machines scientifiques et se traduisait aisément en calculateur ou calculatrice. Les Français ont demandé à un homme, un professeur de philosophie et de philologie latine à la Sorbonne, Jacques Perret, de choisir un nom pour cet appareil. Et au départ, IBM avait proposé, comme Vincent le proposait, il disait, Poêle à charbon. Et, mais non, c'est ça, c'était congesteur ou digesteur en rapport avec cette gourmandise qu'avaient ces ordinateurs. Et donc, ordinateur a été proposé plutôt que congesteur ou digesteur. Heureusement, on n'aurait pas un PC, on aurait un PD. Pourquoi ? Personal digester. Parce que digesteur. Si c'était digesteur. Ah oui, personal digester. Yeah. Personal digester. Digester. Mais computer, ça existait déjà aux États-Unis. Il fallait le traduire d'une manière ou d'une autre. Et donc, le ramener. Ordinateur a été choisi. Et computer, c'était pas terrible non plus. Non plus. Vincent Flibustier, tiens, 17h13, presque 14, c'est parti pour vos histoires. Bonjour, monsieur Vincent. Alors attention, aujourd'hui, alerte, c'est vraiment n'importe quoi, moi-même, je ne sais plus trop quelle histoire est vraie. Allez, c'est parti, lancez-moi, Corentin Cordy. Je vous lance. Merci. Il y a des noms de famille plus difficiles à porter que d'autres, comme Hitler. Et au début du 19e siècle, il y avait beaucoup d'Hitler aux États-Unis, dont une famille de pionniers qui avait participé au développement de l'Ohio. On trouvait donc beaucoup de rues Hitler, de parcs Hitler et de cimetières Hitler, ces derniers étant assez à propos. Et au 20e siècle, on trouvait même un certain George Washington Hitler, un nom pas très facile à porter, mais qui n'a pas empêché George Washington Hitler d'appeler son fils Gay Hitler. Le docteur Gay Hitler, qui a officié pendant 24 ans comme dentiste, on a perdu toute trace de lui en 1946, Gay Hitler ayant probablement changé de nom à la fin de la guerre. Gay Hitler, existe-t-il ? A-t-il existé ? C'est la question que vous posez. En fait, la thématique d'aujourd'hui, c'est gay, mais je ne voulais pas vous le dire au début. Ah, ok, d'accord, merci. Deuxième thématique, donc gay ? Tout à fait, dans l'histoire américaine, vous le savez, on avait envisagé à un moment de créer une gay bomb, une bombe qui rend amoureux des autres soldats bourré de phéromones et de LSD. La bombe avait pour objectif de casser toute envie de combattre chez les ennemis, ceux-ci ayant plutôt envie de se câliner. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi le projet a été arrêté, puisque le projet a vite tourné court. Son créateur, Herbert Hoover, a fait exploser une bombe d'essai dans son laboratoire, ce qui a plutôt bien marché, puisqu'il est tombé amoureux d'une chaise de bureau qui était à côté de lui. L'homme est encore en vie aujourd'hui, 30 ans plus tard, et est toujours amoureux de sa chaise de bureau avec laquelle il passe toutes ses journées. Et on n'a toujours aucune explication scientifique concrète à cela, si ce n'est probablement qu'il a pris un coup sur la tête pendant l'explosion. Avec le LSD, tout ça, il a dû rester bloqué dans un délire amoureux étrange. Alors, gay bombe ou gay Hitler ? Ça va être bon, ça va être difficile. Moi, je vous dis tout de suite, il y a du gay dans la réponse. Hein. Corentin Candy, première ou seconde histoire ? La première histoire. Daphné Dulaurier. Ben, sachant que le prénom Gaylord existe vraiment, je vote pour Gay Hitler. On va demander à Sergio Noré. Mais moi, c'est la deuxième parce que je la trouve formidable. Ah, une histoire d'amour avec une chaise, la fameuse gay bombe. Et Raoul Reyers. Moi, c'est la deuxième aussi parce que j'étais fort attaché à une ancienne chaise de bureau qui est décédée maintenant. C'est vrai. Ah, c'était ouais, pas la ouais. Sofa. Elle avait combien de j'allais dire de pattes. Cinq pattes. Ouais. Toujours avec une patte. Je l'ai conduite moi-même au container park. Bah dis donc, quel souvenir. C'est à ce moment-là qu'il fallait une musique triste comme ça. Je t'ai conduite au container park. Vincent Flibustier, roulement tambour. Pour découvrir l'histoire vraie du jour, gay bombe ou gay Hitler ? Eh bien, il y a bien eu des recherches sur une gay bombe dans les années 70, mais ça n'a jamais rien donné. Par contre, le docteur Gay Hitler a bien travaillé pendant 22 ans aux États-Unis, a vraiment dû souffrir de son nom. Et il y avait effectivement beaucoup d'Hitler partout dans le monde, et surtout aux États-Unis. Et ils ne sont pas du tout de la même branche qu'Adolf, puisque le père d'Adolf était né Schisch Gruber. Il avait pris le nom de son beau-père qui était Hitler avec un D. Donc la famille Hitler d'Ohio n'avait rien à voir avec eux. Ils ont travaillé pendant 200 ans à servir leur pays d'une bien belle manière et ont vu leur lignée totalement s'éteindre, vu que tout le monde a changé de nom à cause d'un homonyme allemand. Et ben voilà l'histoire vraie du jour. À 17h17, on poursuit ces aventures presque sérieuses. Dernière ligne droite avec une chronique signée Corentin Candy, vous nous parlez d'Elio Di Rupo qui reste le capitaine du navire. Alors, est-ce que vous pourriez. Qu'appelez-vous le problème de Tihange ? C'est presque sérieux sur la première. Mais comment tu fais pour être aussi zen en dirigeant ton entreprise ? Groupe S. Ah oui, ton secrétariat social. Ils font tout, même pour les indépendants ? Bah oui. Les adaptations salariales, les congés spéciaux, le travail des étudiants ? Groupe S. Le guichet d'entreprise et les assurances complémentaires ? Groupe S. Et l'assistance socio-juridique ? Hein ? Bah aussi. Et chez eux, elle comprend même la défense en justice au cas où. Oh, ça va t'a gagner. Groupe S est le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Hé, hey Bob, ouais. Tu vas le prendre mal si je te dis que j'ai un truc qui va vous mettre de bonne humeur, vous, les Angry Birds? Dis toujours. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Grand C4 Picasso 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Oh, ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze? Ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie, ce mardi 14 juin, à l'achat du journal L'Avenir, recevez gratuitement votre guide touristique de 108 pages sur les sites et manifestations de Wallonie avec livret détachable consacré aux balades à vélo. Votre été en Wallonie, votre guide touristique gratuit ce mardi 14 juin avec le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. La première, Mobile Info. Et à 17h presque 20 minutes, retrouvons Pierre Collard-Bovy pour un point sur vos conditions de circulation. Oui, avec ces problèmes. Donc c'est un incident technique à Bruxelles qui fait en sorte que le tunnel Porte de Halle est toujours ferme à la circulation. En revanche, le tunnel Louise est lui, quant à lui, rouvert. Donc, alors, l'accident sur le 42 qui nous tient en haleine depuis hier soir, on le rappelle quand même, c'est pas encore terminé puisqu'on annonce maintenant un peu plus d'1h30 perdu sur 12 km en direction de Mons. On rappelle qu'il y a deux accidents coup sur coup. Hein. Le premier à hauteur de Gosselin et celui un peu avant, 4-5 km avant, c'est à la hauteur de Fleurus. Des déchets de pneus sur le 19, Mons-Bruxelles, à hauteur de Thieu, le passage est difficile en direction de Bruxelles. Un objet encombrant, c'est un bloc de béton, ça peut faire mal sur le 42 Namur-Mons, à hauteur de la Louvière, c'est sur la bande de droite en direction de Mons. Accident sur le ring 3 de Charleroi, autour de la sortie Soleil-Mons, en direction d'Épigny. Nombreux débris sont répandus sur la chaussée, même si les véhicules sont eux en bande d'arrêt d'urgence. Un autre car en panne sur le 411, Arlon-Namur, ça a l'air d'aller un petit peu mieux sur la 411, en tout cas concernant les ralentissements, mais visiblement pas mal d'automobilistes ont essayé d'échapper à cela en allant, en traversant le village de l'église même, et là il y a des encombrements évidemment dans l'église même. Un véhicule est en panne à Bruxelles dans le tunnel Rogier, la bande droite est encombrée vers le midi. Accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Zaventem, il y a des files en direction de Waterloo. D'ailleurs en ce qui concerne le ring, et bien voilà les temps de parcours, plus 27 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 22 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 21 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem et plus 10 pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Dis de force, où est l'MNC? J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne comptez pas les jeunes trop durement, halte aux basses côtes des cocoteurs. Dis, ces histoires de côtes, ça me donne envie d'Andalouse et de côtes à l'os. Oui. L'Andalouse préférée des cocoteurs, la voilà. De Vos les Mains. À table. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Soir première dans moins de 9 minutes à 17h30 sur la première avec Pascal Claude, l'information sérieuse. D'ici là, nous sommes presque sérieux avec Corentin Candy. Vous revenez sur Elio Di Rupo qui est sorti ce week-end du placard. Pas sur lui, on l'avait rangé. Il est sorti de son hibernation. Il a trouvé la clé pour donner donc une interview au journal L'Écho. En substance, son message est très simple. J'y suis, j'y reste jusqu'à la mort. L'État, c'est moi. Effectivement, j'y suis, j'y reste. Till I die. Enfin, till il dit, s'il parle anglais comme s'il parle néerlandais. Till il dit, après moi, Némouche. Après moi, Némouche. Alors, je crois qu'il nous fait une petite crise, là. Il y a les coutures qui craquent. Di Rupo, glapit, et glapit comme personne, qu'il est le seul capitaine à bord. Capitaine, on reçoit un bel uniforme, un beau costume blanc avec la casquette et tout. Et non seulement il ira jusqu'au bout, mais il se représentera en 2019, puis en 2029, en 2039, en 2049, parce que le pays a besoin de lui, enfin le peuple a besoin de lui, enfin lui a besoin de lui, en fait. Il a un vrai univers, hein, Di Rupo. Entre nous, je crois qu'il nous fait un peu son Bouteflika. Vous visualisez un peu, Bouteflika? Ouais. Vous avez vu des images récentes de lui? C'est un peu ça. Des images fixes. Encore 80 ans donc. Enfin, pour commencer. Et tant pis pour Paul Magnette, le jeune dauphin, qui commence à grisonner et à trépigner. Ah, mais j'oublie toujours les noms d'emprunt. Eloido Ripu, donc, et Paul Magnette... Enfin, pas Paul aimant, très aimant, Paul lover, lover boy, comme l'appelle Elio, enfin Eloi. Je ne choisis pas des noms d'emprunt parce que j'ai envie de vivre, non, Eloi des roupies ne fait pas de mal à une mouche, mais parce que c'est un ressort comique, c'est très drôle, Eloi de roupies. Mais bon, Do Pirou ne veut pas lâcher l'affaire, enfin la chose publique, pourquoi partir alors qu'il suffirait de rester à temps? Et pendant ce temps-là, Paul aimant, le socialiste lover, le Macron wallon, le magnète trépigne. Il a racheté le PS en viager, le mec, mais le vendeur viager en pleine forme. Il fait du jogging en legging fuchsia. Et le pire, c'est qu'il en corps presque toute sa tête. « Je me représenterai, Glapi Ripoudo. » Le message limpide à l'intention de Popol, à l'intention de Paul Magnette, c'est « Il faudra me passer sur le corps. Allez Popol, passe-moi sur le corps pour voir. » Bref, pendant les 50 prochaines années, il va falloir caresser Popol dans le sens des poils. Alors, pardon. Alors, il faut savoir qu'il nous pointe du doigt en riant, genre il est content. Non, c'est mon bic, je tiens mon bic. Enfin, et t'as ri. Bref, 4 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu ce titre. Un Italien se fait opérer du cerveau, Raoul certainement, et à son réveil, il parle français et vit comme un français. Vous c'est vrai. Ça, j'ai vu ouais. Ça, ouais. Peut-être que ça pourrait marcher avec Iléo Dos Pourri. On l'opère, on lui greffe le cœur de 2 bébés pour être sûr de pouvoir présider le PS 2 siècles de plus. Et à son réveil, ce serait incroyable, il vivrait comme un électeur socialiste. Il irait au Colreuth, Elio. Non, mieux, il ferait ses courses lui-même. Imaginez ? Et le pouvoir à vie, Elio, il kiffe. Elio Ropoudi est un très grand démocrate. Enfin, tant que c'est lui le chef, toujours le chef. Hélas, hélas, ces petits intrigants du PTB commencent à venir lui piquer pas mal de bons clients. Elio, Mayer, Magnette, c'est vraiment la gauche caviar. Mais le PTB, ce serait plutôt la gauche eux de l'ompe. Aucun goût, ces gens. Ils ne savent pas ce qui est bon. Pour Dipouro, un Raoul Edebo, c'est vraiment écœurant. Voilà quelqu'un qui vit avec moins de 20 000 euros par mois. Mais comment fait-il, se demande Dirupo Magnette. Comment fait-il? Incroyable. La devise de Podirou, c'est « Ce n'est pas parce qu'on est prêt à mourir pour le peuple qu'on est prêt à vivre avec. » Et pourtant, Elio, il est très nu debout. Elio, il a même été jusqu'à passer une nuit blanche, assis, même pas debout, à Tulle. Nuit blanche, assis, à Tulle. Nuit blanche, assis, à Tulle. On va m'ouvrir toutes les portes et les femmes de France plus efficacement qu'un ouvre-boîte. Mais ce qu'il faudrait, en définitive, pour permettre à Rodipou d'être président à vie, c'est demander à Marc Deblé, un homme qui serait prêt à se sacrifier pour la cause. Pardon, j'avais dit scarifier pour la cause. Tais-toi, Marc, tu es petit zélé. On va donc demander à Marc Goblet, qui est prêt à se sacrifier pour la cause, et qui est à fond dans le partage, parce qu'il est de gauche, de faire un don d'organes. Et comme ça, le Louis XIV du Borinage pourra vivre éternellement et présider à vie jusqu'au jour du grand soir. Et c'est la lutte finale. Vincent, tu nous chantes la lutte finale ? C'est la lutte finale. Merci, parce que j'avais pas non, de nous aide. Ah oui, j'aime bien, moi, les œufs de l'ompe. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est bien trouvé. C'est l'avantage d'être moins cher. Hein. C'est clair. Allez, à 17h26, le presque mot de la fin, avant soir première. Cette conversation est terminée. Est terminé. Un mot que vous avez choisi pour résumer l'actualité du jour, un mot en tout cas, et une information, Raoul Reyers. Hulk. Hulk. Pas pourquoi mal. Parce qu'il devient vert. Titre, non. Nu, il casse des voitures, s'enfouille accroché à un camion et résiste à un tir de taser. Ah oui, Hulk. Hulk, mais en blanc, quoi. Voilà. Sergio Noré. Qu'on leur donne un ballon à chacun. Ils arrêteront de se disputer sur le terrain. C'est beau, c'est Jésus. Quasi. Belle petite parabole, tiens. On va demander à Daphné Dulaurier, presque mot de la fin pour vous, Daphné. Oh, moi, j'ai envie de dire Jeannette. Ah ouais. Vous savez ce que c'est, une Jeannette ? Bien sûr. Alors, c'est quoi ? Alors, c'est une petite planche qui permet de repasser les cols et les manches. Voilà. Oui, absolument. Et évidemment, une Jeannette, en flamand, ça veut également dire une tapette. Enfin, c'est péjoratif. Voilà. Un homosexuel, vous voulez dire ? Non, c'est péjoratif. Ah. Donc c'est vraiment une tapette, quoi. Ah. C'est péjoratif. Ah, voilà. Corentin Candy, presque mot de la fin. Le mot efficace. C'est-à-dire parce que Bernie Ecclestone trouve que Hitler était très très efficace. Et c'est vrai, en moins de 12 ans, il est parvenu à détruire totalement la Main. C'est efficace, il suffit de voir les photos de Berlin en mai 45 pour voir à quel point Hitler était efficace. Ouais, merci, Corentin Candy. Mais c'est vrai. Ouais, toujours une bonne note pour terminer. Corentin Candy, toujours en excellence. Vincent Flibustier. Moi, c'est l'empiriste qui est repris par par Total et dont le slogan était vert, belge et moins cher. Donc voilà, il ne leur reste plus rien. Voilà. Ah, voilà, voilà. Pour clôturer cette émission, nous serons de retour demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux. D'ici là, portez-vous bien. Nous serons de retour demain avec d'autres beaux esprits pour relater l'actualité. L'actualité, sérieusement, elle sera décortiquée dans un instant par le seul et unique Pascal Claude pour un nouveau numéro de Soir Première. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcastant l'émission du jour sur le rtbf.be/ovio et rendez-vous également sur la page Facebook de C'est presque sérieux. À demain 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Le samedi 25 juin, il y aura la nuit africaine au Bois des Rêves d'Autigny-Louvain-la-Neuve. Nous en parlons ce soir avec Vincent Gens, l'artiste Badi et puis le groupe Kelasouf aussi. Une belle contribution africaine dans Le monde est un village. A tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Message à tous les habitants de la région bruxelloise. Chérie ? Ouais ? Je sors une minute. Où tu vas ? Je vais juste sortir les poubelles, c'est le jour. Chérie ? Dans chacun de vos gestes pour rendre votre ville plus belle, les 2700 employés de Bruxelles Propreté vous accompagnent. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Bruxelles Propreté, tous unis pour que Bruxelles soit belle. La première présente l'exposition Michel Jamsin, Frères humains, à Mons. Découvrez le parcours de ce peintre figuratif de la région montoise. Personnages monumentaux ou en couleur, photoromans ou encore peinture cellulosique. Aux anciens abattoirs jusqu'au 28 août. Info abattoir.mons.be. Une organisation de la ville de Mons.